الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسنى والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن رسوله محمد عليه أفضل السلام والتسليم وعلى أصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى le dixième épisode de notre série مع التابعين traitera aujourd'hui du premier héros à avoir traité et abordé le sujet de la purification du cœur. Il a été dit que ses paroles ressemblent à celles des prophètes et que s'il avait vécu autant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dépassé beaucoup de sahaba. Ibn Abbas dit à son sujet qu'il n'avait vu aucune personne ressemblant autant aux compagnons que cet homme-là. C'est le maître des tabi'in, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Notre héros vivait à l'époque des Omeyyades, des Beni Omeyya, où le faste et les bruits infernaux de la vie matérielle donnaient le vertige. Après la mort des quatre califes bien guidés, radiallahu anhum, l'argent, les richesses et le faste s'étaient déployés dans leur empire. Al-Hassan al-Basri trouva qu'il n'y avait de meilleur remède à ce vertige que l'iman, la foi. Et il affirma que pour établir l'équilibre face à ce monde matériel, il fallait assainir l'esprit, le cœur et la foi. L'histoire d'Al-Hassan al-Basri commence avec les armées envoyées par Omar al-Khattab radiallahu anhu à la conquête de l'Irak. Ces armées arrivèrent jusqu'à une ville entre Bassora et Wasit, appelée Maysan, dont les habitants, qui étaient des Masdéens, des mages, les adorateurs du feu, entre autres, vivaient sous la domination perse, et donc parlaient le perse. Et un jeune homme descendant des rois perses, un combattant courageux et fort, s'y trouvait. Il fut fait prisonnier de guerre par les Arabes, qui l'envoyèrent à Médine. Il s'appelait Fayrouz, le futur père d'Al-Hassan al-Basri. Sa cousine appelée Khira fut faite prisonnière également. Et les deux n'avaient aucune foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils étaient très cultivés et très versés dans les lettres perses. À Médine, les deux cousins furent vendus en esclaves. Zayd ibn Thabit acheta Fayrouz, alors que Umm Salama, la mère des croyants, acheta Khira. Zayd ibn Thabit, le compagnon qui a compilé le Coran pour Omar ibn Khattab et Othman, parlait le perse. Il put ainsi bien s'entendre avec Fayrouz, chez qui il remarqua une profonde culture perse. Fayrouz, de même, était impressionné par le comportement de Zayd. Il faut ouvrir ici une parenthèse pour faire remarquer que les notions religieuses ne valent rien sans une bonne moralité et un bon comportement avec les gens. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire notre comportement. Fayrouz était peiné de son état d'esclave et Zayd essayait de lui faire supporter, donc en lui disant que peut-être que cela lui amènerait du bien pour lui et ses enfants plus tard. Allahu a'lam. Peu à peu, Fayrouz, instruit de l'islam, devint musulman. De même sa cousine qui était chez Umm Salama. Zayd ibn Thabit lui proposa alors de lui faire épouser Khayra, sa cousine. De là, les deux se marièrent et eurent un très bel enfant. En l'an 21 de l'Hégire, cet enfant est né et ils le nommèrent Al-Hassan, connu sous le nom d'Al-Hassan al-Basri, puisque ses parents étaient originaires de Bassora. Khayra prit Al-Hassan à sa naissance et le porta à Omar, qui le serra dans ses bras et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala pour lui en ces termes: « Oh Allah, fais que tes créatures l'aiment et fais qu'il instruise les gens de toi. » À l'âge de 7 ans, Al-Hassan al-Basri était d'une beauté rare. À 10 ans, son père lui raconta leur histoire. Il lui fit comprendre qu'il n'était pas né esclave et qu'il le nomma Al-Hassan al-Basri à cause de leur ville d'origine, Bassora. Il eut sa première expérience avec la beauté du cœur lorsque Zayd ibn Thabit et Umm Salama décidèrent chacun à son tour de donner la liberté à ses parents. C'était une leçon de miséricorde pour Al-Hassan. La deuxième leçon était celle de l'amour et de la fidélité, parce que ses parents n'ont pas voulu retourner à leur pays et continuèrent à servir Umm Salama et Zayd. Et il commençait donc à comprendre peu à peu que l'état du cœur était ce qu'il y a de plus important en réalité dans la religion, et non pas les notions religieuses simplement. Et de leur côté, Umm Salama et Zayd décidèrent d'instruire l'enfant. Umm Salama l'amena à notre mère Aïcha, radiallahu anha, qui lui instruit. Et Zayd le prit chez les grands compagnons. À 12 ans, Al-Hassan était bien instruit de la Sunna et du Coran. À l'âge de 14 ans, l'assassinat de Othman survenu à Médine et le secoua vivement. De là, il se mit à réfléchir alors au sujet du cœur. Il vit de ses propres yeux la mort de ce calife, la cruauté et l'injustice des assassins envers lui. Il comparait la beauté et la bonté ressentie chez Umm Salama et Zayd ibn Thabit et la cruauté des assassins de Othman. Toute Médine pleurait la mort de Othman, dont le linceul avait été mouillé par les larmes de Hassan et de Ali ibn Talib radiallahu anhu, tellement il le pleurait à l'enterrement. Al-Hassan fut fortement bouleversé par cet événement et il sut que les notions religieuses ne suffisent pas à elles seules pour faire un bon musulman. Les sciences existantes en ce temps était le fiqh, l'aqida, le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse du Coran, le hadith. Toutes ces sciences-là, qui acquises de manière isolée, seules, sans considération pour le cœur, rendaient les êtres durs. قال الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Il y a une maladie dans leur cœur et Allah a fait accroître leur maladie. Il commença alors à fonder la nouvelle science qu'on a intitulée l'assainissement du cœur. Et il dit que le cœur pouvait être touché par une maladie qui s'aggrave en 5 étapes. La première est la distraction. La deuxième, la dureté. C'est-à-dire la personne ne sait pas sourire, ni caresser, ni pleurer. Elle a un visage renfrogné. Wal'iyadu billah. Troisièmement, la déviation. Quatrièmement, la cruauté. Et cinquièmement, l'aveuglement. On lui demanda d'où il y avait acquis cette science. Il répondit d'un verset et de la mort de Othman. Subhanallah. Il aurait pu devenir complexé et demeurer troublé, ou bien rejeter la religion. Mais il digéra tous les événements et toute la science et les transforma en une science utile. Est-ce que vous pouvez, vous aussi comme lui, réagir aux catastrophes en devenant positif, en devenant bienfaisant en devenant compatissant. Ils lui demandèrent quel était le verset qui avait généré ces idées chez lui. Et il répondit, قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dans sourate al-Mutaffifun, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Au verset 14. Un peu plus tard, Ummu Salama et Zayd moururent. Et Ali radiallahu anhu s'en alla à Koufa. Fayrouz et Khira décidèrent de retourner donc chez eux en Irak. Al-Hassan voulait demeurer à Médine, mais il pensa qu'il ferait mieux d'aller en Irak où il y avait des problèmes. Sa science pouvait peut-être être utile là-bas, car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui fréquente les gens et patiente face à leur méchanceté est meilleur que celui qui ne les fréquente pas. » Al-Hassan arriva à Bassora et subhanallah se trouva surpris par le tapage de la vie matérielle dans cette ville. Il se mit d'abord à y étudier la société. À 30 ans, il était le premier savant à Bassora et décida de s'opposer à tout le matérialisme qu'il avait devant lui. Il pensa alors à mieux expliquer ses pensées aux gens à l'aide d'images matérielles, puisque c'était la langue qui pouvait impressionner ces gens-là, le matériel. En voyant par exemple les ouvriers aller à leur travail au lever du soleil, il disait chaque jour où le soleil se lève, dit « Oh fils d'Adam, je suis un jour nouveau, témoin de tes actes, profite de ma présence parce que je ne reviendrai plus jamais jusqu'au jour de la résurrection. » Subhanallah, un esprit très vif. Le temps passait jusqu'au jour où Al-Hajjaj devint le gouverneur de l'Irak. Et les problèmes commencèrent. Al-Hassan, qui évitait les confrontations, ne put s'empêcher de s'opposer à l'injustice de cet homme-là. Arrivé à Bassora, Al-Hajjaj s'était construit un palais luxueux. Et les imams des mosquées s'étaient mis à faire des invocations pour celui-là, qui semait la terreur partout. Al-Hassan commenta et dit, celui qui fait des invocations en faveur d'un oppresseur est comme celui qui appelle à la désobéissance d'Allah sur terre. Al-Hajjaj le sut et le garda dans son cœur. Ensuite, il invita tout le monde à venir voir son nouveau palais et insista pour que Al-Hassan al-Basri également vienne le visiter. À son entrée dans le palais, ce dernier dit à haute voix qu'Al-Hajjaj sache que les habitants du ciel ne l'aiment pas, que ceux de la terre l'ont vanté par hypocrisie et qu'il paraîtra prochainement devant Allah à qui il devra rendre des comptes. De là, Al-Hajjaj décida de le tuer et appela le bourreau. Mais à l'entrée de Al-Hassan, il n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait jamais vu Al-Hassan auparavant. Il fut impressionné de son allure et sa dignité. Et il renvoya le bourreau. Yani, subhanallah, le charisme que dégageait Al-Hassan al-Basri l'a frappé. Il plaça Al-Hassan à côté de lui et lui dit aimablement, « Conseille-moi, Al-Hassan. » Les gens étaient ahuris, subhanallah. Et l'un d'eux demanda à Al-Hassan, après sa sortie, ce qu'il avait fait pour apaiser le courroux d'Al-Hajjaj, sa colère. Et il répondit, j'ai dit, oh Allah, mon Seigneur, mon patron, mon bienfaisant, mon refuge lors des difficultés, rends son courroux une fraîcheur salutaire comme tu l'as fait du feu pour Ibrahim. Al-Hassan vécut jusqu'au calife Omar ibn Abdelaziz, qui lui demanda d'écrire des conseils pour améliorer la Ummah musulmane. Al-Hassan participa également à la conquête de Kaboul en Afghanistan. Et il est mort à Bassora en l'an 110 de l'Hégire. Toute la ville suivit son enterrement, au point où pour la première fois de l'histoire, les mosquées étaient vides à l'heure de la prière de l'Asr. Nous apprenons de lui que les notions religieuses seules rendent le cœur dur. Il faut avoir de la compassion, éviter les maladies du cœur et essayer d'être un revivificateur. Revivificateur des bonnes mœurs, revivificateur des bons comportements. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer nos comportements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les parfaire et de me guider vers ce qu'il y a de plus droit. Allahumma innana nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa la'amala alladhi yuballighuna hubbuk. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البريد. والله nous te demandons ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'œuvre qui nous rapproche et qui nous fait mériter ton amour. والله fais que ton amour nous soit plus cher que notre propre personne, que nos familles et que l'eau fraîche. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.